بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre. Ce qui t'est révélé de ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des hommes ne croient pas. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. Allah, c'est lui qui a élevé les cieux sans aucune colonne que vous puissiez voir. Puis s'est établi avec une infinie majesté, Istawa, sur le trône. Il a mis le soleil et la lune au service de ses créatures. Chacun d'eux poursuivant sa course pour un terme déjà nommé. Il gère l'ordre de toutes choses et détaille les signes. Peut-être serez-vous assuré que la rencontre avec votre Seigneur aura lieu. C'est lui aussi qui a déployé la terre, y a planté des montagnes, a fait courir des fleuves, a réparti tous les fruits en couples et a fait que la nuit voile le jour. Il y a bien là des signes pour des gens qui savent méditer. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Sur terre, il y a des lots de terrains contigus, des jardins de vignes, des champs de céréales et des palmiers poussant de troncs communs ou séparés. Ils sont arrosés de la même eau, mais nous faisons que certains aient meilleur goût que d'autres. Il y a bien là des signes pour des gens qui savent raisonner. تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Si tu t'étonnes de leur mécréance, plus étonnantes encore sont leurs paroles. Renaîtrons-nous vraiment à une nouvelle création, après que nous serons réduits en poussière? Ce sont ceux-là qui ont mécru en leur Seigneur, et ce sont ceux-là qui auront le carcan autour du cou. Et ce sont ceux-là les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. Et par défi, ils te réclament de hâter l'arrivée du malheur avant celle du bonheur, bien que beaucoup d'exemples soient passés avant eux, qui confirmaient la réalisation de nos menaces. Certes, ton Seigneur a fait sien le pardon pour les hommes, malgré leur injustice, mais Allah a aussi la punition très dure. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Ceux qui ont mécru disent: si seulement il descendait sur lui un signe prodigieux de son Seigneur. Mais tu n'es là que pour avertir, et pour chaque peuple, il y a un guide. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdadu wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Allah sait ce que porte toute femelle. Et il sait ce que les matrices expulsent avant terme et ce qu'elles retiennent plus longtemps. Toute chose auprès de lui à sa juste mesure. Il connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Lui le grand, l'altissime. من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Pareil pour lui sont celui qui d'entre vous tait sa pensée et celui qui l'exprime ouvertement, celui qui recourt à la nuit pour se cacher et celui qui s'exhibe en plein jour. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Chaque homme a devant lui et derrière lui des anges qui jour et nuit veillent sur lui, conformément à l'ordre d'Allah. Allah ne change en rien la condition des hommes, tant qu'ils n'auront pas changé ce qui est en eux-mêmes. Et quand Allah veut faire subir quelque mal à un peuple, nul ne pourra l'arrêter. Ils n'ont d'autre protecteur que lui. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, source pour vous de peur et d'espérance. Et c'est lui qui fait naître les lourds nuages. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Le tonnerre lui rend gloire, en célébrant ses louanges, ainsi que les anges sous l'effet de sa crainte. Il envoie les foudres et en atteint qui il veut, cependant qu'il polémique toujours au sujet d'Allah, dont la colère est terrible. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. C'est à lui seul que revient l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'exaucent en rien leur prière, sauf à faire comme celui qui tend ses mains vers l'eau, la suppliant de parvenir à sa bouche, et qui n'y parvient jamais. L'invocation des mécréants n'est que pur égarement. Devant Allah, se prosternent, de gré ou de force, ceux qui sont dans les cieux et sur terre, de même que leurs ombres, au point du jour et à son déclin. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah. Dis encore, et vous prendriez en dehors de lui des protecteurs qui pour eux-mêmes ne sauraient ni assurer un bien, ni repousser un mal. Dis-leur, l'aveugle et le voyant se valent-ils donc? Ou alors les ténèbres valent-elles la lumière? Ou peut-être encore que les associés qu'ils prêtent à Allah ont créé ce qui équivaut à sa création, si bien que les deux créations se confondent à leurs yeux. Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui l'un, le haut dominateur. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Du ciel, il fait descendre de l'eau. Des vallées se remplissent et coulent chacune selon son débit et sa capacité. Le flot charrie une écume abondante, pareille à celle que l'on voit sur le métal fondu sous le feu pour en obtenir un bijou ou quelque précieux ustensile. Allah dépeint ainsi en parabole la vérité et le mensonge. Quant à l'écume, elle se perd et se dissipe. Et quant à ce qui est utile aux hommes, il demeure tel qu'il est sur terre. C'est ainsi qu'Allah use de paraboles. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Ceux qui auront répondu à l'appel de leur Seigneur auront la plus belle des récompenses. Mais ceux qui n'y auront pas répondu, quand bien même ils auraient tout ce qu'il y a sur terre, et une fois autant à payer en rançon pour se racheter, auront à rendre compte de la pire des manières, et leur séjour sera la géhenne. Et quelle horrible couche! أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de ton Seigneur est vérité, est-il pareil à celui qui est aveugle? Seuls savent y réfléchir les esprits sagaces. Ceux qui honorent leur engagement envers Allah et ne rompent pas le pacte. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Ceux qui veillent à maintenir les liens qu'Allah a ordonné de maintenir craignent leur Seigneur et redoutent de rendre compte de la pire des manières. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Ceux qui prennent patience, espérant la seule satisfaction de leur Seigneur, observent assidûment la salate, dépensent en aumône, discrètement et ouvertement, des biens que nous leur avons dispensés et qui rattrapent les mauvaises actions par les bonnes. Ceux-là auront pour demeure ultime جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Des jardins d'Éden, où ils entreront avec les plus vertueux parmi leurs ancêtres, leurs conjoints et leurs descendance. Les anges viendront à eux par toutes les portes. سلام عليكم بما صبرتم. Que la paix soit avec vous, leur diront-ils, pour tout ce que vous avez enduré. Combien belle est votre ultime demeure. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Quant à ceux qui rompent leur engagement envers Allah, après l'avoir conclu, brisent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir et sèment la corruption sur terre. Ceux-là seront maudits et auront la pire des demeures. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Allah donne de ses bienfaits avec largesse à qui il veut ou les réduit. Ils se réjouissent de ce bas monde, mais comparé à l'au-delà, la vie ici-bas n'est que joie éphémère. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Ceux qui ont mécru disent: si seulement il descendait sur lui un signe de son Seigneur. Dis, Allah égare qui il veut, et conduit vers lui celui qui veut se repentir. Et il guide aussi ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Car n'est-ce pas à l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent ? الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, à eux la félicité et le meilleur retour. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ. C'est ainsi que nous t'avons envoyé auprès d'une communauté, que d'autres communautés avaient précédée, pour leur réciter ce que nous t'avons révélé. Eux pourtant m'écroient au tout clément. Dis, lui c'est mon Seigneur, point d'autre divinité que lui. C'est à lui que je m'en remets et c'est à lui que je reviens repentant. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. S'il y avait un livre qui mettrait en mouvement les montagnes, qui fissurerait la terre ou ferait parler les morts, ce serait bien ce Coran, et les mécréants n'y croiraient pas pour autant. L'ordre de toutes choses revient à Allah. Ceux qui ont cru ne savent-ils pas que, si Allah voulait, il guiderait tous les hommes dans la bonne direction. Et pourtant, ceux qui ont mécru ont pris de leurs actions, ne cessent d'être atteints par des calamités, qui parfois aussi frappent tout près de chez eux jusqu'à l'avènement de la promesse d'Allah. Car Allah ne manque jamais à sa promesse. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. Des messagers ont bien été raillés avant toi. J'ai alors accordé un délai à ceux qui ont mécru. Puis je me suis saisi d'eux, et quelle fut alors ma punition ? أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Celui qui surveille chaque âme et ce qu'elle acquiert comme action. Est-il donc pareil à ceux qui lui sont prêtés comme associés ? Dis, nommez-les. Ou alors, l'informeriez-vous donc de ce qu'il ne serait pas sur la terre, de ce qui n'est que paroles apparentes ? En réalité, les intrigues de ceux qui ont mécru ont été embellies à leurs yeux, de sorte qu'ils ont fini par barrer le chemin d'Allah. Celui qu'Allah entend égarer n'aura aucun guide. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Il est pour eux un supplice en ce bas monde, mais le supplice de l'autre monde est bien plus terrible encore. Nul ne saurait les protéger contre Allah. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Le paradis promis à ceux qui ont la piété est semblable à un jardin sous lequel coulent les rivières, et dont les fruits et les ombrages sont perpétuels. Telle est la demeure ultime de ceux qui ont la piété, alors que celle des mécréants sera le feu. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبَ. Ceux qui ont reçu de nous le livre se réjouissent de ce qui t'est révélé, cependant que certains clans en renient une partie. Dis, ordre m'a seulement été donné d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'en appelle, et c'est vers lui que sera mon retour. Et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre, en révélation, comme législation en langue arabe. Si, après ce qu'il t'est parvenu comme savoir, tu suivais encore leurs désirs, tu n'aurais contre Allah ni soutien ni protecteur. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ. Nous avons envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et une descendance. Mais il n'appartient pas à un messager de produire un miracle, sauf par la permission d'Allah. Chaque délai a son terme déjà écrit. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah abolit ou maintient ce qu'il veut. Il détient l'écriture matricielle. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Que nous te montrions une partie de ce que nous leur promettons, ou que nous te rappelions à nous avant, il ne t'incombe que de transmettre. Et il nous revient de dresser les comptes. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ne voit-il donc pas que nous prenons la terre et en réduisons les extrémités? Allah est celui qui juge, et son jugement n'admet aucun appel. Il est prompt à dresser les comptes. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ. Ceux qui les ont précédés ont tramé les intrigues contre les messagers. Mais Allah détient le secret de toutes les intrigues. Il sait ce que chaque âme a acquis. Quant aux mécréants, ils sauront à qui reviendra l'heureuse demeure ultime. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Et ceux qui ont mécru disent « Tu n'es pas un envoyé ». Dis « Il suffit d'Allah comme témoin entre vous et moi, ainsi que ceux qui ont la connaissance du livre ».